5 1 3 3 7 0 7 0 3 3 8 7 8 3 3 1 3 0 3 2 5 4 7 8 4 8 8 2 5 5 1 3 3 7 0 7 3 8 1 8 8 2 8 7 2 1.